Ils annoncèrent leur retour pour le 20 mai. On était alors au 7 de ce mois. Elle les attendit avec une impatience grandissante, comme si elle eût éprouvé, en dehors même de son affection filiale, un besoin nouveau de frotter son cœur à des cœurs honnêtes, de causer l'âme ouverte avec des gens purs, saints de toute infamie, dont la vie et toutes les actions et toutes les pensées et tous les désirs avaient toujours été droits. Ce qu'elle sentait maintenant, c'était une sorte d'isolement de sa conscience juste au milieu de toutes ses consciences défaillantes. Et bien qu'elle eût appris soudain à dissimuler, bien qu'elle accueillît la comtesse, la main tendue et la lèvre souriante, cette sensation de vide, de mépris pour les hommes, elle la sentait grandir, l'envelopper. Et chaque jour, les petites nouvelles du pays lui jetaient à l'âme un dégoût plus grand, une plus haute mésestime des êtres. La fille des Couillard venait d'avoir un enfant, et le mariage allait avoir lieu. La servante des Martins, une orpheline, était grosse. Une petite voisine, âgée de 15 ans, était grosse. Une veuve, une pauvre femme boiteuse, pauvre, sordide, qu'on appelait la crotte, tant sa saleté paraissait horrible, était grosse. À tout moment, on apprenait une grossesse nouvelle, ou bien quelque fredaine d'une fille, d'une paysanne mariée et mère de famille, ou de quelque riche fermier respecté. Ce printemps ardent semblait remuer les sèves chez les hommes comme chez les plantes. Et Jeanne, dont les sens éteints ne s'agitaient plus, dont le cœur meurtri, l'âme sentimentale, semblait seule, remuée par les souffles tièdes et féconds, qui rêvait, exaltée sans désir, passionnée par des songes et morte aux besoins charnels, s'étonnait, pleine d'une répugnance qui devenait haineuse, de cette sale bestialité. L'accouplement des êtres l'indignait à présent comme une chose contre nature. Et, si elle en voulait à Gilberte, ce n'était point de lui avoir pris son mari, mais du fait même d'être tombée aussi dans cette fange universelle. Elle n'était point celle-là, de la race des rustres, chez qui les bas instincts dominent. Comment avait-elle pu s'abandonner de la même façon que ces brutes?